écouter tous les juridiques du projet. Parce que parfois, quand on nous demande c'est quoi le droit de concurrence, comment on peut faire le droit de commun et tout, on a l'impression que la matière pour travailler, c'est pas dans le vide que vous travaillez. Alors, moi je suis venue pour, comment on dit, pour écouter, pour recoger. Pour récupérer, tous les besoins et problèmes pour commencer un peu, pour avancer dans la recherche et les soutenir. C'est tout. C'est Charbonnet, donc moi je représente plein de choses, que ce soit la paillasse, donc ça c'est de l'open science, ou que ce soit la maison des communs, que ce soit la clé cristallière. Donc ici on essaie de faire une paillasse sur Marseille, et donc bon, ça fait longtemps qu'on cherche des lieux et souvent on aide. Mais bon, après c'est il y a plein de solutions, hein, il y a plein de choses. On est en contact avec la préfecture pour essayer justement de faire du squat autorisé. Sinon, on a fondé aussi les sites EAJ.xyz, et donc ça permet de développer des théories par rapport au commun, où le commun c'est une structure fondamentale, c'est pas une infrastructure, et que c'est le commun qu'il faut développer pour qu'il y ait un accès aux gens et non pas une réglementation qui réglemente les communs. Donc ça c'est notre problème. Et contre le droit c'est, on sait qui fait le droit. Donc il n'y a pas grand chose à en tirer, si ce n'est peut-être les textes internationaux et les textes fondamentaux qui eux assurent des droits normalement à certaines libertés, mais après on sait les inconvénients et les contraintes qui sont imposées. Vous avez cité un acronyme, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est? Vous avez dit DC? D6DAJ. Ah, D6DAJ, d'accord. Point C-Rexel. Ok, d'accord. D6DAJ. Le prénom Richard. De partout, mais Marseille, okay. Oui, 2 semaines par mois. Okay. Je m'appelle Léa, je travaille sur un projet de parc dans les quartiers nord de Marseille qui s'appelle Foresta. Et nous, on a une problématique juridique très précise et très importante pour le projet, c'est que c'est un terrain privé sur lequel on a une convention d'occupation temporaire de 8 ans. Mais qu'on souhaiterait pérenniser, on voudrait assurer sa pérennité pour que ça reste un parc. Et il y a autour de ça un enjeu juridique global, mais il y a surtout un enjeu juridique précis autour de la propriété, donc et de la terre, et d'un lieu qui va être aménagé au cœur du parc. Voilà. Alors moi je m'appelle Jawad, je viens de Grenoble, je fais partie de l'association Planim, on porte un projet qui s'appelle Exporter, qui a pour vocation de répertorier les compétences des gens des quartiers populaires pour l'instant, pour pouvoir promouvoir une mondialisation par le bas et de montrer qu'il y a d'autres formes économiques qui sont déjà à l'œuvre et possibles. Et du coup, on est confronté constamment à toutes les notions de bien commun, quelles qu'elles soient, puisqu'on touche vraiment, pour l'instant, on touche beaucoup sur l'économie, et automatiquement, dans les compétences qu'on répertorie, il y a par exemple de la mécanique de rue, ou des savoir-faire anciens qui n'existent plus en France, mais qui sont normés. Et donc, on se pose aussi la question des communs. Est-ce que le commun peut être un commun de l'humain, d'un pays, d'un quartier, et qui en a le droit d'édicter les règles, etc., etc. Et donc on voudrait, par cette pratique des gens, ces compétences qu'ils ont, essayer donc de faire une économie solidaire transformatrice. Et donc dans le cadre juridique, nous ce qui nous intéresse c'est le savoir. Comment est-ce que le savoir populaire, toutes ces transmissions-là qui a des anciens métiers ou des métiers même qui ne sont pas forcément anciens mais qui répondent à des besoins de quartier, est-ce que les gens sont à même de créer eux-mêmes des formations qui peuvent être reconnues par l'État sans être accaparées par un milieu universitaire ou scolaire ou étatique tout simplement. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à ça. Tu peux redire le nom de l'association ? Planning. Moi c'est Ulysse, donc moi j'accompagne Jawad sur les mêmes conditions qu'il vient d'énoncer. Et je rajouterais que du coup, en plus de ça, on fait des études universitaires en géographie et aménagement. Et donc on est aussi concerné par justement la question de lien entre université et quartier, sachant que notre université elle est située dans elle n'est pas sur un campus, elle est implantée à même la ville, dans un quartier, et notamment il y a un quartier du coup en face qui a été qualifié de quartier prioritaire. Et c'est un peu de... Donc je disais juste voilà, donc on est préoccupé par les liens du coup entre université et quartier au niveau de leur implantation territoriale et des agissements donc entre ces deux éléments. Entre université et quartier. Et la question du juridique, c'est un peu ce qu'on connaît nous. La question du juridique, c'est un peu ce qu'on connaît. Notamment, pour rebondir, c'est que l'université a été vraiment, la fac en tout cas, a été pensée pour une mixité sociale, une mixité d'usage. Et il y a un Fab Lab, un laboratoire de fabrication avec des outils numériques qui est sur le quartier. Alors il y a le quartier qui est là, qui commence par ici. Ensuite à côté il y a une zone franche et nous on est installé juste à côté. Donc tout est mis donc, pour cette zone franche pour attirer du monde. Et ce Fab Lab a été pensé pour les habitants du quartier et pour l'université. Or il échappe à tout contrôle. Donc il y a des textes de loi qui ont été, parce que c'est normé, donc c'est légiféré, mais l'usage en est accaparé. Donc c'est vrai que notamment par l'université du coup qui privatise plus le... Tout comme l'espace, il y a un espace où on travaille à l'université qui est ouvert et seulement il y a une partie des portes qui est fermée au quartier parce que les gens ont peur. Voilà. Donc, les gens ont peur d'être cambriolés, qu'il y ait des scooters qui rentrent. Donc voilà, donc on voudrait se saisir de l'aspect juridique pour voir comment on peut régler les choses. Voilà. Donc Alima, je suis juriste d'une part, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt sur le droit des associations. En fait, on a une association qui s'appelle BABALEX pour le BABA de la loi et qui accompagne les associations, les porteurs de projets associatifs. Et je fais aussi partie de Un Centre Ville pour tous, qui est une association qui milite pour le droit à la ville et au logement. Et donc je suis là dans ce groupe pour savoir aussi quels sont les besoins en termes de droit des communs et aussi pour avoir les expériences aussi, qu'est-ce qui se fait ailleurs en termes de droit des communs, parce que je ne me considère pas comme étant une spécialiste du droit des communs, par exemple. C'est une matière qui nous intéresse énormément, qu'on souhaite développer. Mais je ne me considère pas du tout spécialiste du droit des communs. Par contre, de l'économie sociale et solidaire et des associations, ça oui, parce qu'on a, enfin, spécialiste, j'aime pas ce terme, mais en tout cas, on a une petite expérience dans le domaine. Voilà. I'm gonna make it in English, so it's faster. I'm Mauro Castro from Barcelona. I'm part of a network that's called La Fundación de los Comunes, the Foundation of the Commons, that it's a group of editorial, social centers, libraries, and research and think tank spaces. Excuse me, est-ce que tout le monde comprend l'anglais? Oui, non. Non. Quelqu'un peut traduire? Ou je peux? Tu peux? Ok. Okay. Parce que j'ai. Ouais, mais. Ok. C'est qui comprend pas? Toujours moi. So, from the foundation. Yeah, So I'm part of the Barcelona node of this network. And the Barcelona node of this network is organized by a cooperative, workers' cooperative, that's called La Hidra Cooperativa. And one of the things that we are doing these years is try to think, using the advantage of having a left-wing government, a very progressive left-wing government in the city, and that have an idea about municipalism, that it's very close to the idea of the commons, because, well, they are called Barcelona en Comú, so they are also very related with all this philosophy of giving power to people instead of just taking power into the state. So we use this moment to try to develop a law that gives some kind of framework that support and engage the urban commons of the city. So we kind of take the experience of the Comrades of Naples, their policy that we thought it was very interesting because it was very bottom-up and was not giving power to the state but kind of changing the nature of the state itself and giving power to communities. So we try to develop a kind of similar policy, and we create a policy that's called Patrimoni Ciutadà, citizen heritage would be the translation. It's a bit, yeah, not very sexy, but that's the name. All the things of creating legal tools to protect the commons are not the ones that we all never expect to be our forefront for struggles. But after 4 years, I can say that using legal tools can be in some times an exhausting task that doesn't recommend to anybody. And at certain moment, something that maybe can be useful, not so much for the people that are already using it, but maybe for future generation and other commons. So that's why we think that the creation of these legal frameworks can be useful in order to extend the idea and to protect other or promote other more small experiences. So that's why we think it. Dans le groupe juridique, parce que j'ai une formation juridique à la base aussi, parce que professionnellement c'est un sujet qui a fait partie de mes outils au quotidien, notamment sur les sujets de responsabilité civile. Alors les communs, c'est pas mal, je suis curieux parce que je commence à imaginer ce qu'il peut y avoir comme incidence en matière de responsabilité, en matière de droit civil, en matière de responsabilité civile, en matière dite de différentes choses, notamment parce que ma spécialité était la gestion des risques. Et donc c'est là, dans cette optique-là que je suis présent. Ça, je pense, ça doit être assez... Voilà, est-ce qu'un commun peut avoir une personnalité juridique ou pas? Oui, c'est la question. C'est une des questions, je pense. Et puis, on peut en fabriquer aussi, des communs aussi. Ciao, sono Marco, attivista dell'asilo. Qui semplicemente per capire quali possono essere gli strumenti giuridici che permettono di conservare in modo tale che siano partecipati e fruibili da tutti. Il est là pour essayer de comprendre comment les communs peuvent être partagés avec tous au nom de l'asilo. De l'asilo. L'asilo, c'est un app et c'est un lieu intermédiaire avec des artistes qui accueillent des artistes. C'est ça pour ceux qui connaissent mieux que moi. Emma, moi je ne suis pas du tout professionnelle de juridique et tout ça, c'est plus par curiosité. que je ne sais pas en fait ce qui existe et que je fais partie d'une association, Planète Émergence, et on fait des projets artistiques. C'est comment, Émergence ? Planète Émergence. Et on fait des projets artistiques dans l'espace urbain. Donc on n'est pas répertorié comme un lieu intermédiaire ou quoi que ce soit, mais le projet enfin, pose cette question de faire des projets communs plutôt. Et donc, de plus en plus, la question des communs apparaît. Et, mais on n'est pas encore complètement dedans, on ne se connaît pas très bien. Donc voilà, c'est plutôt de la curiosité, donc pas de problème particulier, mais ça m'intéresse de voir ce qui existe. Bonjour Sylvia, alors moi je fais partie du même lieu que Thomas. Thomas, tu t'es peut-être déjà présenté. Donc, oui. Tu peux le présenter à ta manière. Voilà, mais, je vais essayer de me présenter en trois points. Donc je fais partie de la mine à Villeurbanne, qui est un tiers-lieu. Tu as parlé de la paillasse tout à l'heure, c'est un peu un enfant de la paillasse Paris. Donc c'est un lieu de biohacker space, de biohacking, basé sur les communs où on travaille beaucoup les cultures numériques libres. Et du coup, c'est ma première entrée dans le juridique, puisqu'on a l'habitude avec les cultures numériques de faire émerger du droit par le bas, les normes juridiques ascendantes. Et donc, on imagine qu'on peut transposer cette habileté à fabriquer du droit par le bas dans d'autres champs, le champ du numérique. Et mes deux autres entrées dans cette assemblée, c'est ma participation à Remix the Commons, qui organise l'événement. Avec Frédéric, on a travaillé plusieurs années sur un projet qui s'appelle l'Atlas des chartes des communs urbains, qui est, un répertoire en ligne que vous pouvez retrouver sur le site de Remix, qui essaye de documenter toutes les expériences de communs qui ont travaillé cette question du droit. Ça s'appelle comment, pardon ? Atlas des chartes des communs urbains. Atlas. Et c'est une sorte de catalogue de répertoire d'expériences qu'on a rencontrées qui traitent de questions juridiques. Et le dernier point de présentation, c'est qu'avec d'autres acteurs des tiers-lieux, donc on essaye de porter cette question juridique sur le devant de la scène et aussi dans un rapport à la puissance publique. Et depuis un an, on a monté un groupe de travail dont fait partie le réseau des lieux intermédiaires indépendants. Donc ce groupe s'appelle Agir par les communs. Et il réunit le CGET, donc le ministère de la Transition, le réseau des Fab Labs français, le réseau des lieux intermédiaires indépendants et le réseau des tiers lieux libres open source. Donc en fait une diversité de lieux qui adressent collectivement avec l'acteur public aussi la question de la création juridique pour faire avancer le statut de ces lieux. Je m'appelle Claire et je suis là au titre de deux entités différentes. La première, c'est un squat d'habitation qui s'appelle le squat Saint-Just, dont peut-être vous avez entendu parler à Marseille, qui a été ouvert dans l'urgence pour pallier à l'incurie des pouvoirs publics en matière d'hébergement et qui s'est transformé petit à petit en un lieu de vie qui existe depuis plus d'un an maintenant, avec une décision d'expulsion pour le début d'année. Et l'autre entité que je fais à titre aussi professionnel en tant que militante, c'est, vous avez peut-être entendu parler dans les différents groupes du bureau des dépositions de Grenoble. Bureau des dépositions de Grenoble. Donc moi j'accompagne ce groupe-là par mon travail de commissaire et de productrice. Et donc ce groupe-là, c'est un groupe de 10 performeurs qui ont des statuts administratifs différents. Et donc je pose la question de comment on procrée à plusieurs quand certains d'entre nous peuvent du jour au lendemain être éloignés du territoire à cause de leur statut administratif. Et d'autre part, comment on donne un statut juridique à ce qu'on crée ensemble. Et dans les deux cas, donc le squat d'habitation et le bureau des dépositions, en fait le juridique c'est notre premier outil, tout simplement parce que dans les deux cas il y a de l'illégalité. Et donc dans les deux cas, notre objectif, c'est de nous appuyer sur les brèches du droit existant pour faire valoir les liens qui nous unissent et les activités qu'on crée ensemble. Donc pour aujourd'hui, à l'heure actuelle, en fait, notre principal outil, en fait, c'est le droit d'auteur et en fait, les contrats de co-auteur-auteuria, puisque en fait, c'est un droit suffisamment libéral et un contrat suffisamment libéral, malheureusement, mais pour nous, ça fait notre chance, puisqu'il peut être notre unique et seul dénominateur commun pour faire reconnaître en fait nos liens. Et donc il est accessible aussi aux personnes qui n'ont pas de papier et qui sont en situation d'inégalité. Notre méthodologie, c'est du coup, quand on est un peu dans l'urgence aussi, dans les deux cas, c'est de ne pas avoir recours à ce que j'entends beaucoup là, c'est-à-dire comment on crée par le bas, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir tout ce processus, bien qu'on le fasse aussi, mais c'est plutôt de s'appuyer sur les failles du droit pour construire des stratégies d'attaque. Donc aller au tribunal, par exemple pour le bureau des dépositions, en attaquant l'État pour atteinte à l'intégrité de notre œuvre commune, par exemple. Et ça, ça produit des procès, et donc du coup bah, ça produit des commentaires sur la jurisprudence. Voilà, exactement. Et on avance comme ça par étapes. Et ce qui m'intéresse ici, du coup, c'est quel type d'autres stratégies juridiques les uns et les autres avaient utilisées quand le droit vous met en danger, ou met en danger vos lieux ou vos activités. Voilà. Bonjour, je suis Nicolas. À titre personnel, je fais partie d'une industrie aucun lieu. Mais voilà, je suis très curieux d'écouter les stratégies légales et voilà, que chacun a développées. Je n'ai pas grand chose à dire. Je suis très intéressé aussi par ce que j'ai pu entendre dans deux groupes tout à l'heure sur notamment la pertinence du droit médiéval et de certaines idées de démembrement de la propriété comme utile en fait à repenser les lieux intermédiaires et les espaces communs et voilà l'usage que l'on en fait. Bonjour, je suis Jonathan, je fais partie d'une association qui s'appelle Jeune Mot, alors plus que les acronymes, le groupe d'entraide tous les légumes. On fait de la récupération des amendes bio sur Grenoble et on s'est mis tel un acteur de Grenoble. Est-ce que Raquel, tu as entendu le nom? Non, je fais partie d'une structure qui s'appelle J'ai fait les pots. Et donc on fait J'ai fait les pots. J-E-F-E-L-E-P-O-T-S. Et on fait la récupération des invendus bio. Et donc on a une ressource autour duquel on essaie de s'organiser et de faire du commun. Donc voilà, et puis je viens à l'atelier pour voir les questions qui vous intéressent, je dirais, autour de ça. Moi j'en aurais une à la rigueur, mais c'est un sujet à creuser, c'est comment développer, on va dire, des échanges sous forme de temps, donc un petit peu comme un système d'échanges locaux, sans qu'on soit ennuyé dans nos actions, pour y être poursuivi pour concurrence déloyale ou travail dissimulé. Ton prénom? Jonathan. Jonathan. Jonathan. Merci. Ça c'est le dernier, je crois. Ah ok, très bien. Alors moi c'est Thomas, j'appartiens à Boulec TV, la télé participative du 3e arrondissement de Marseille. Je suis ici parce qu'on fait partie de la Fédération de l'audiovisuel participative en France, qui réunit 40 télés participatives. Et en fait, on essaierait de devenir indépendant vis-à-vis des grosses structures et des gros serveurs sur Internet pour produire nos vidéos. Et l'objectif, c'est d'aller à terme sur Peertube et comment avoir notre indépendance par rapport au contenu concret. Voilà. Merci. J'ai l'impression que je suis modératrice. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Je ne sais pas par où commencer, à vrai dire. On prend une question, alors je ne sais pas laquelle, ensemble. Peut-être, est-ce qu'il y a une question urgente, par exemple? On peut procéder comme ça, peut-être? Je sais pas quand que j'en pense. J'ai une chose à dire avant, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé en privé. Et l'information qui imprime, au moins, il y a un format qui est en train de se préparer. Moi, je n'ai pas le temps parce que je n'arrive pas à processer toute l'information dans les langues et tout. Et je note. Et ça va être partagé avec tout le monde. Avec, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, je n'ai pas eu le temps et vous. Et que vous avez dit, et c'était important, s'il vous plaît, quand vous gardez l'information, vous introduisez toute l'information que vous voulez, les explications et tout. Okay. Et ça va être. Pour l'instant, je le fais en Word. Est-ce que je veux qu'on se mette en train de prendre plusieurs, apprendre des notes et qu'on se mette sur un pad ou tu préfères le faire? Oui, après, on va. Vous allez recevoir un lien pour entrer et travailler tous les deux. Merci beaucoup. Non, donc la question c'est comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, soit on prend une question urgente et on essaie de voir comment chacun peut y répondre de par son expérience, par exemple, ou est-ce que vous voulez qu'on commence par un récit d'expérience? Moi, il me semble que ce qu'il y a de plus abouti en termes d'avancées juridiques sur les communs, ça serait peut-être l'asilo qui pourrait nous expliquer comment vous avez fait. Voilà, donc on peut s'y prendre soit en commençant par un exemple et voir ce que ça soulève, soit en commençant par une question qui vous paraît urgente et de voir comment chacun peut y contribuer. Qu'est-ce que vous préférez? L'exemple, qui vote pour être. Conservation de pérenniser. Tu peux parler plus fort? J'ai trouvé que dans ce que vous avez, ce qu'on a tous dit là, ce qui sortait régulièrement, c'était la question de comment conserver donc dans un espace cette idée de commun et donc ce statut, comment le mettre en place et qui perdure et qui soit pérenne, quoi. Enfin, qui soit résilient. Comment pérenniser un bien commun? Et voilà, je peux partir un peu de l'expérience et ouais, après. Peut-être que c'est pas mal à ce moment parce que c'est un peu ça. Si on concrétise un peu. Et après, ça va soulever des discussions. Comme il y avait aussi des autres questions sur l'espace. Ouais, dans ce qu'on a fait, nous, à l'asilo. L'asilo est parti d'une occupation. C'était une occupation des artistes et travailleurs et travailleuses de l'art, de la culture et du spectacle. Et ça est parti surtout d'une façon symbolique. C'est-à-dire que les artistes voulaient protester contre une politique culturelle qui était très concentrée, et surtout dans, bien sûr, dans l'aménagement des financements. Peut-être en France, la situation est un peu meilleure, mais vraiment en Italie, il y a très peu de ressources publiques, spécialement, mais aussi privées dans la culture. Et ils sont aussi très concentrés. Donc l'idée initiale, c'était de protester justement contre ce fait-là, cette politique-là. Et on a occupé, moi j'étais pas là, mais les artistes, ils ont occupé un espace qui était de propriété de la ville. Mais il était donné un bail à une fondation qui s'occupait d'organiser un gros événement culturel. Et donc c'était justement pour ça que c'était considéré symbolique de cette politique contre laquelle on protestait. Et donc on a occupé l'espace. Le but initial c'était d'occuper juste pour 3 jours, un truc comme ça, d'une façon très symbolique. Mais après, comme il y avait beaucoup de mouvements qui... des différentes natures. Il y avait eu les mouvements des travailleurs du spectacle aussi, avec l'occupation du théâtre Valle à Roma. Il y avait eu des mouvements écologistes avec la question des déchets à Naples. Il y avait quand même une tradition des spots à Naples, des différents types. Et donc il y avait des collectifs universitaires, etc. Donc ils ont commencé à se recueillir et donc c'était évident qu'on n'allait pas laisser l'endroit tout vite. Et donc on a commencé à imaginer une façon différente de l'idée, le but c'était d'ouvrir, de faire un lieu qui était ouvert à la communauté, pas seulement dans l'utilisation, mais aussi dans l'aménagement. Donc l'idée, c'était de créer des moyens de production partagés. Parfois, on dit l'important des biens communs, c'est pas le bien, mais c'est la communauté. Non, c'est la communauté, bien sûr, mais c'est aussi le bien, parce qu'il était important pour les travailleurs de pouvoir en fait mutualiser les moyens de production, parce qu'on n'avait pas. Il y a une scarcité de moyens de production artistique. Donc l'idée, c'était d'ouvrir l'utilisation du bien et aussi l'aménagement du bien. Mais quand même, on voulait créer un outil juridique, pas seulement pour se protéger contre la police, etc., mais aussi pour justement renouveler les institutions, pour créer de nouvelles institutions. Ainsi qu'une autre expérience d'une autre partie d'Italie ou d'Europe pouvait peut-être utiliser les précédents juridiques pour dire à leur propre administration, à Naples, on a fait comme ça. Parce qu'on avait la fortune, le bonheur d'avoir une administration très ouverte. Et donc, on a pu mettre en place ces précédents légaux, en fait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de reprendre justement l'institution de droit médiéval des usages civiques. En Italie, ça s'appelle l'usage civique. Je crois qu'il y en a dans tous les pays d'Europe, mais avec des noms différents. Il s'agit des formes de propriété collective où les usages qui se sont consolidés dans le temps ont créé des règles de partage, d'utilisation partagée d'une ressource. Si je peux juste faire je crois en France, c'est ce qu'on appelait les biens communaux. Donc c'est différent, bien sûr, parce que il n'y a pas eu tout ce temps comme ce type d'institut juridique médiéval. On a voulu utiliser ces institutions comme un truc aussi en question politique. Donc c'est pas la communauté du quartier, mais c'est une communauté ouverte qu'on allait créer. Et donc c'est un peu différent des institutions juridiques médiévales, bien sûr. Mais on les a pris comme une inspiration, parce qu'à travers l'usage de cet espace qui était occupé, en fait, mais c'était utilisé par les occupants, on a créé des règles, donc on a réfléchi sur les règles, et on a justement écrit les règles, on a fait une déclaration d'usage qui c'était comme une constitution de l'espace. Et ça a été fait par des assemblées publiques, ouvertes, n'importe qui pouvait rentrer, et on décidait par consensus. Donc il a fallu beaucoup de temps entre l'écriture de la déclaration et la négociation avec les administrations. Mais finalement, la ville a reconnu cette déclaration. C'est-à-dire qu'elle a fait un acte officiel, une résolution, ça s'appelle en Italie, mais je crois aussi en France. Une résolution. Du gouvernement de la mairie, en fait. Et avec laquelle elle a reconnu. Donc, elle n'a pas confié le bien à une personne juridique. On n'a jamais fait une personne juridique. Elle a reconnu comme des organismes, comme des nouvelles institutions d'autogouvernement. Et donc, elle a donné une valeur légale aux formes des décisions assemblées que la communauté avait mises en place. Et aussi, la ville a accepté comme il s'agissait d'une expérimentation très ouverte et ouverte à tous et à toutes. La ville a décidé de la soutenir parce qu'elle créait de la valeur culturelle, de la valeur sociale, etc. Et donc, elle a accepté de payer l'électricité, l'eau, des travaux extraordinaires dont on peut avoir besoin pour garantir l'accessibilité de la même. Et oui, c'est ça. Donc, justement, dans votre expérience, la question qui m'intéresse, moi, c'est dans la résolution, comment est défini, qu'est-ce qui est défini, le bien, la communauté qui le gère, juridiquement, les règles, en fait. C'est les règles. Ce qui est reconnu, c'est juridiquement, c'est les règles. Après, politiquement, on peut dire la communauté, mais juridiquement, c'est comme une réglementation d'un parc public. Mais la différence, c'est qu'elle n'a pas été faite par la ville, mais par la communauté. Mais c'est les règles qui ont été reconnues. Et les organismes, l'assemblée, pas en tant que personnes physiques qui sont dedans, mais en tant qu'organisme. mais sont les règles de fonctionnement de l'organisme ou les règles de fonctionnement des actions qui sont faites à l'individu. Les deux. Les deux. Les deux. Tant l'organisation que les modes opératoires qui peuvent être à l'intérieur. Si vous voulez, on a une traduction en anglais de la déclaration de sa civile. Moi, j'ai une question parce que comme on sait tous que c'est une sorte de figure médiévale ou pas médiévale, parce qu'en Espagne, ça existe encore dans le monde rural. On l'a tous dans la loi reconnu. Mais les cas, je crois, en Italie, c'est les mêmes qu'en Espagne, que c'est seulement reconnu pour le monde rural, mais ce n'est pas reconnu pour les communes urbaines. Alors, comment est-ce que vous savez surmonter la limitation légale? Parce que c'est la loi même qui limite seulement pour le monde rural. Alors, parce que sinon, en Espagne, pour une pratique, à penser. En fait, comme je le disais, ce n'est pas le même outil juridique. Nous, on a une loi sur les usages civiques. Et ce n'est pas autant le fait que c'est rural, mais surtout c'est sur le temps. On n'a pas assez de temps pour dire qu'on a un véritable usage civique. Donc c'est un outil juridique différent, on peut dire. En italien, on dit atypique, donc ce n'est pas typisé par la loi. Mais comme il n'est pas typisé, ça ne veut pas dire qu'il est impossible. C'est en fait la base de la création juridique. Parce qu'on s'est rattaché à des valeurs constitutionnelles qui permettaient ça, même si ce n'était pas nommé. Donc on a pris juste l'inspiration des usages civiques anciens pour le faire comprendre aux institutions et aux juristes. Sinon, on nous aurait dit non, mais ça n'existe pas. Donc pour le rendre plus acceptable, on disait ça est semblable aux usages civiques. Mais en fait, c'est différent pour le temps et pour la modalité d'utilisation de naissance des règles. Mais oui, en Italie, on s'est rattaché surtout au principe sur la propriété, parce que la Constitution dit que la propriété doit avoir une fonction sociale. Et aussi, on l'appelle subsidiarité horizontale, c'est-à-dire que la Constitution dit que l'État ou les institutions publiques doivent favoriser l'initiative citoyenne quand il est possible et quand elle est à l'aise, elle a la possibilité de prêter un service public, il faut la favoriser. Et à tous les principes de la participation en général, tous les principes qui garantissent la participation, l'exercice des droits politiques et donc la possibilité de participer aux décisions publiques. Donc, on s'est rattaché à des principes constitutionnels pour inventer un outil nouveau. Excusez-moi, j'ai une question juste pratique. Ça vous aime, est-ce que vous arrivez à entendre ou est-ce que vous voulez que j'aille voir s'il y a une autre salle de livre? Ça va? Ça vous va pour l'instant? Ok, pardon. Donc, vous êtes assis sur des principes constitutionnels propres à l'Italie. De ce fait, pour pouvoir construire votre cadre. Mais donc nous, c'est de voir en France si on a des principes constitutionnels équivalents. Sûrement, on a la participation, on a l'égalité. Oui. C'est un objectif possible. sur la participation, on a des lois nationales qui obligent à la participation. Voilà, par exemple, on a une loi qui est la loi SRU, la loi sur la solidarité et la rénovation urbaine, qui oblige à la participation. Mais en réalité, elle laisse une marge de manœuvre au pouvoir public. Elle dit juste qu'il faut de la participation, mais la participation, on la prend à toutes les sauces. C'est-à-dire que, est-ce que l'information, c'est de la participation? Est-ce qu'il y a différents niveaux, en fait, de participation? Et eux, ils s'appuient sur le fait, par exemple, les pouvoirs publics vont dire, on a fait une concertation. En fait, on a fait de l'information. On a réuni tout le monde, regardez, on a des signatures, et on a fait une assemblée. Mais en réalité, il n'y a pas de réelle concertation. C'est de l'information. Donc, ils jouent un petit peu sur les différents niveaux de définition de qu'est-ce qu'on appelle la participation. Mais les lois, elles existent, en fait. Je crois que c'est sur la subsidiarité. Oui. On a des tendances quand même du droit européen même si les droits européens la comprennent surtout comme un partenariat avec des personnes privées. Mais je crois qu'on peut jouer sur ça. Donc, ce n'est pas un partenariat avec une personne juridique, mais c'est un partenariat avec la communauté. Ce n'est pas le cadre théorique que nous partageons, mais c'est un cadre théorique possible. À l'origine, quand vous avez investi votre lieu, vous l'avez investi de façon propre, proche de Saint-Just, c'est-à-dire une occupation, la prise d'un lieu dans un but aussi de faire des choses, donc d'accueillir des personnes ou de faire de la production ou autre. Mais c'était une prise d'un lieu existant qui pouvait appartenir soit à une personne publique ou une personne privée, ou c'était un lieu qui était libre, public, et que vous avez investi et vous avez eu les accords de la mairie de l'investir. Comment ça s'est... C'était une route moyenne peut-être, parce que le bâtiment s'était utilisé par la ville, parce qu'elle avait donné à cette fondation. Mais en fait, c'était sous-utilisé. La fondation n'utilisait que le troisième étage pour des bureaux, mais donc il y avait le reste du bâtiment qui était abandonné. Et donc, il y avait en fait... il y avait une destination déjà décidée, mais après, on agit avec la force pour se réapproprier du lieu. Classique. Mais c'est différent d'un squat, d'une occupation pour le logement, parce que justement, le logement, il a besoin d'une occupation, d'un usage exclusif. Si moi, j'ai un appartement, je dois y vivre et ça doit être une utilisation exclusive. Pendant que l'idée dans la silo, c'était différent, c'était de n'avoir jamais une utilisation exclusive. Parce que s'il faut le rendre ouvert à la ville, il faut maintenir les espaces ouverts. Donc soit on a des usages partagés, soit on fait des rotations temporaires. Mais on n'assigne jamais une place à une association, par exemple. Parce que sinon, ça remplit. Il n'y a plus d'espace. Moi, j'ai une question sur justement cet usage. Effectivement, nous, les personnes, en fait, elles ont un usage individuel d'une partie du bâtiment, c'est-à-dire l'espace qu'elles occupent pour un logement. Ce qui est différent de vous, où vous mettez en commun et vous revendiquez tout ce qui est accès aux moyens de production et à la culture, etc., qui va bien commun. Moi, je me demandais, quand on fait les choses légalement, on se voit attribuer un lieu si on s'engage à remplir cette mission-là auprès des institutions qui nous donnent ce lieu. Est-ce qu'il existe en France un moyen de faire le contraire, c'est-à-dire de dire, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans ce lieu est de l'ordre du bien commun, c'est-à-dire on favorise l'accès à la culture, il y a des activités artistiques qui s'y déroulent, etc., etc. Et donc, on vous demande de le reconnaître pour pouvoir revendiquer ce lieu comme répondant à vos missions. Comment on peut faire reconnaître ça? Et qui n'est pas une ensemble de règles, en fait, qui est, je sais pas comment on appelle ça, mais... On parle beaucoup de... Enfin, je ne suis pas juriste non plus, mais on mobilise beaucoup les droits culturels pour défendre exactement ce que tu proposes. C'est-à-dire qu'il y a une situation sociale, des pratiques et des usages installés, et il s'agit de les reconnaître. À ma connaissance, c'est pas... Mais en fait... Je ne connais pas très très bien, mais je crois que les droits culturels, si je ne me trompe pas, ils font partie d'une convention qu'on appelle la convention de Faro. C'est ça, il me semble, entre autres, mais il y a aussi des conventions internationales. Mais la convention de Faro, le problème, c'est qu'elle n'est pas signée par tout le monde. Je crois que la France, elle n'a pas signé. Non. Voilà. Donc c'est toujours ce truc de dire, pour pouvoir revendiquer un droit, le problème de la hiérarchie, la hiérarchie des normes, en fait, pour qu'une convention internationale soit appliquée en France, il faut que le pays ait signé cette convention. Voilà. Mais la convention de Faro, c'est une des conventions qui reconnaît les droits culturels. Mais je pense qu'il y a d'autres conventions qui doivent reconnaître aussi ces droits culturels. Pardon ? Ouais, c'est ça. Ouais, les droits économiques, c'est ça. ce soit culturel. Après, excuse-moi Claire, mais juste, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est dans le témoignage de Maria Francesca, c'est un peu ce qui s'est passé quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont occupé le lieu. Et oui, mais en France, c'est pour ça que... Voilà. C'est une occupation avec une reconnaissance par la ville d'une utilité publique. Ou d'une utilité au moins économique et sociale. Ou sociale. Tandis qu'en France, c'est difficile, je pense, pour une ville, même à Marseille ou à Marseille, surtout, du politiquement correct. Et c'est de faire reconnaître cette utilité. Oui, c'est ce que je disais. Oui, c'est ce que tu dis. C'est que la gestion, la gouvernance de la ville le reconnaît. Et c'est un bâtiment de la ville, pardon, c'est un bâtiment de la ville. Même s'il y avait une fondation à l'intérieur, c'est la fondation, la ville lui a... La ville avait un contrat. Un contrat avec la fondation. Oui, mais à part de ça, que c'est évidemment correct et tout, et depuis le droit administratif, la planification administrative, que c'est ça que je travaille, il y a des principes de l'administration qui sont... ne sont pas flexibles, c'est pas qu'on peut l'utiliser ou non, mais qu'on peut l'interpréter. Alors, il y a eu beaucoup de cas dans tous les pays, je crois, de reconnaissance de ce style. La différence, c'est qu'ils ont créé une figure atypique juridique, et c'est génial, et c'est l'innovation juridique et tout. Mais des reconnaissances, et a posteriori, on a tous connu. Alors, un peu l'intérêt public et la planification administrative, les besoins, et place, les ressources du projet, place, la base sociale et la défense que la communauté fait de ce projet, etc. Ils font tous partie, c'est pas les trois comme ça, les trois c'est vide. Les trois c'est vide. Alors, c'est pas les trois comme ça, les trois c'est comme... pote pour les plantes, tu mets ça. Alors, peut-être si tu as 300 potes dans les mêmes quartiers, l'administration va dire oui, mais peut-être là-bas on va faire un hôpital. Tu vois. Mais sinon, normalement, si on fait un peu la lutte et on analyse aussi les contextes, c'est ça qui s'appelle la planification, comme l'urbanisme. Mais aussi social, aussi administratif, aussi de services publics, de services d'intérêt public. Alors, finalement, on arrive à la conclusion qu'on a le support de la communauté. Okay? On est dans un besoin justifié. On a démontré qu'il y a la nécessité et tout. Et c'est lutter jusqu'à ce qu'on arrive à la reconnaissance. Parce que c'est au contraire. Et, ça existe, c'est pas interdit, c'est pour ça que ça arrive. La différence, c'est qu'ils, en plus, c'est le premier cas que moi j'ai trouvé en Europe, qu'ils ont reconnu comme urbain. Parce que sinon, normalement, elle dit oui, on vous fait une convention normale et c'est tout, et allez-y, et comme ça la communauté fait. Tranquille, on n'a pas de problème, ok. On veut faire un peu la supervision, on voit ce que vous faites et tout. Et c'est le moyen traditionnel, non, l'approche de toute la vie. Alors la différence avec eux, qui c'est très intéressant et qu'il faut apprendre et faire des autres innovations, c'est la reconnaissance du comment, non, de la reconnaissance de la communauté et de ses règles et la autogestion et tout ça, mais avec la pression, beaucoup de projets étaient reconnus et la loi ça permet d'être reconnu après, a posteriori. C'est pas impossible. La question c'est comment est-ce qu'on veut être reconnu. On veut faire une convention comme ça, allez venez, trois représentants, un jour on fait une convention, hein, vous, comme ça vous êtes tranquille, on reste, ok. Et ça peut marcher si on a besoin de habitage, pourquoi pas. C'est pas que c'est plus important l'innovation juridique que la vie des personnes. Mais ce sont des choses différentes. Alors ça peut arriver et c'est très, très lié pas seulement aux trois que c'est ça, c'est vite, mais en plus à la communauté et à la force communautaire de tout projet aussi. C'était ma deuxième question, si personne n'a pas une autre compétence. C'était comment, donc ce comment qu'on ne peut pas nommer, qui n'a pas d'existence juridique et qui apparaît à partir des règles qui définissent l'usage du lieu, comment ce commun il est matérialisé dans ces règles-là? Qu'est-ce que ces règles, comment ces règles le rendent effectif concrètement? Ah, pas compris la comme vous savez aussi avoir reconnu le comment rendre effectif, oui. comment dans votre expérience de commun, et du coup là c'est l'idée tout à l'heure que ce sont les règles du lieu qui ont été reconnues. Non, moi ma question c'était en quoi ces règles quelles sont-elles pour rendre effectif un usage commun du lieu? Oui, donc quant à la première question, bien sûr, on est très conscient que la situation administrative et politique à Naples était particulière. Donc, ça ne peut pas être un exemple, peut-être. Mais on est aussi dans un réseau national d'expérience qui sont en train de raisonner sur des façons différentes d'y arriver, en quelque façon. Donc, ce qu'on a fait à Naples avec. Donc, il y a un passage. Pour être reconnu en fait, et aussi pour faire reconnaître la valeur sociale et culturelle du bien commun, ça a été de faire des dossiers, c'est-à-dire de recueillir des numéros des personnes qui ont traversé l'espace de l'asile, qui l'ont utilisé, d'artistes qu'on utilisait comme espace de travail, des personnes qui sont venues voir des concerts, etc. Comme ça, on a d'une certaine façon quantifié l'utilité sociale, même si on ne l'a pas traduit dans d'argent, mais c'était plus facile pour la ville en général, pour la communauté à l'extérieur de reconnaître ce qu'on faisait, et pour la ville. Donc c'était une façon, on l'a appelé redditivité civique, c'était une façon de la rendre évident, de faire des dossiers, justement, de se recueillir des données sur son activité. Et en fait, après l'asile, il y a eu des autres biens communs qui ont été reconnus, entre lesquels il y a une occupation habitative. Mais bien sûr, comme je le disais, on n'avait pas la possibilité d'en faire, d'utiliser le même outil pour la partie habitative, mais on l'a utilisé pour les areas communes. Donc il y a ces bâtiments où il y a les logements au-dessous, deuxième, troisième étage. Mais le rez-de-chaussée, c'était commun. Donc, on a fait reconnaître combien commun les rez-de-chaussée. C'est un outil très pratique qui n'a pas résolu, en fait, les problèmes, mais a rendu plus difficile de faire une action de police contre l'occupation. Pour la partie occupation, on peut penser à des outils vraiment contractuels, donc des pactes. C'est aussi un outil qui existe en Italie, et ce serait un peu long, mais je ne sais pas si on a le temps. Mais quand même, il y a des formes qui sont très diffusées en Italie, qui permettent à l'administration de faire des pactes pour l'administration partagée d'un bien. Et donc, ils sont très différents de l'usage civique comme l'asile, mais peut-être utile quand, en revanche, tu as besoin d'une utilisation exclusive de l'espace. Donc, c'était plutôt un pacte qui reconnaissait les droits des personnes à habiter là et en échange demandait des travaux d'utilité sociale. Donc, les personnes s'engageaient à régénérer les biens. Et la ville s'engageait à les laisser habiter là et leur donner des conditions de vie plus propres. Et donc ces pactes qui peuvent être signés, dans certains d'autres cas, peuvent être aussi préliminaires à l'usage civique. On a utilisé le même, par exemple avant on disait c'est pas facile en France de squatter une place sans que la police arrive, etc. Oui, bien sûr. C'est vrai. Donc, mais l'occupation, ce n'est pas le seul moyen d'entrer. Bien sûr, comme Rachel le disait, on a pu faire cette expérimentation à l'asile parce que tout le monde était sûr qu'on ne voulait pas un bail, qu'on ne voulait pas un contrat avec la ville. Mais d'un autre côté, faire un contrat avec la ville, peut-être le premier étage pour arriver à l'usage civique. Et on peut aussi hacker les contrats avec la ville. Par exemple, dans un espace à Reggio Emilia, c'est une petite ville près de Bologne, on a utilisé un bail particulier parce que c'était pour un usage non exclusif. Donc on a un peu fait ces conventions plus ouvertes. On a dit dans la convention que l'usage n'était pas exclusif. On a dit dans le statut de l'organisme associatif qu'on avait fait que l'organisme s'engageait à gérer l'espace d'une façon non exclusive, donc avec une assemblée ouverte, donc avec les mêmes modalités de l'asile. Mais c'était un engagement que la ville prenait dans un contrat de convention et que l'asso elle-même prenait dans son statut. Ce n'est pas l'usage civique, mais ça peut être un étau. Et en fait, le statut de l'association qu'on avait fait, il disait que c'était un étau pour accepter la convention, pour arriver dans les années suivantes à un usage civique. Vous faites partie d'une association, de la création, avec la constitution, création d'une association. Dans ce cas-là, c'était parti d'une occupation, oui. Mais quand même... Avec, après, on a fait comme la ville ne voulait pas faire aucun type de négociation avec un sujet illégal, oui. Ils ont fait une association. L'association donne un statut légal, oui. De ce fait, et la ville peut négocier de ce fait avec l'association. Oui. Et donc, vous reprenez une personnalité juridique. Oui, dans ce cas, oui, mais c'était conçu d'une façon ouverte. Oui. Donc la convention qui reconnaissait l'association, ça disait que l'utilisation qui en faisait l'association, c'était pas exclusif. C'est pas exclusif et c'était un usage ouvert, social, collectif. C'est pourquoi on a hacké la convention. Et la bien ville, tout, c'est pas la même chose. Et, mais... la ville en vient à faire une convention. Oui. Avec la sauce. Oui. Et sinon, c'est pour ça, si je pose cette question, c'est un lien aussi pour avec le collectif. Est-ce que le passage, est-ce que sur en droit français, moi je sais, c'est dommage qu'Alima ne soit pas là, est-ce qu'en droit français, si c'est injuste, en collectif, il y avait le passage en association, est-ce que ça permettrait à IT de pouvoir ouvrir des négociations pour l'occupation du lieu et avec une reconnaissance? De ce que je comprends, c'est pas le lieu qui est passé en association, c'est une association qui définit les usages. Qui définit les usages. Et après qui négocie avec lui. Et qui une convention d'occupation. Je finis du coup. Oui. Nous, en fait, on a un propriétaire. Donc, le propriétaire, qu'on soit sous forme associative ou sous forme d'occupation telle qu'on est aujourd'hui, pour l'instant, il ne tient pas réellement à négocier avec nous, il veut juste récupérer ses moitiés. Donc, on n'est pas dans le même endroit. Mais parce qu'on parle d'un bien privé. Oui, si on considère que alors les conditions c'est complètement différent, mais en fait, comme on travaille aussi sur la question de ce que tu appelles les droits culturels, et ben c'est par ce biais-là qu'on pourrait avoir une négociation tripartite, sachant que notre propriétaire est l'Église, c'est pas n'importe quelle sorte de propriétaire privé. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que. Ils étaient à un moment, ils étaient prêts aussi, ils étaient indemnisés. Je suppose que vous, à travers les conventions qui sont passées avec la ville, je parle pour la fondation, la ville a bien apporté une aide financière à Naples. Oui, mais c'est deux cas différents. À Naples, il n'y a eu aucune convention. C'était la reconnaissance de la communauté informelle. C'est la reconnaissance de la communauté. Là, il y a une utilité publique, puisque les personnes qui sont logées à Saint-Just, quand elles sortent de... Si elles sont prises en charge par le conseil général ou par l'ADAP, par les organismes, il faut bien aller payer les hôtels, il faut bien aller payer les logements des personnes. Il y a donc tout un ensemble d'organismes publics qui financent. Plutôt que de financer de cette façon-là, on pourrait très bien... Voilà, si c'est mon interrogation, hein, avec une association et une négociation, est-ce qu'il n'y aurait pas cette possibilité peut-être de... Non, mais je ne veux pas monopoliser non, mais je ne veux pas monopoliser. C'est pas du tout notre objectif que de d'accord. collaborer avec les institutions publiques sur ces questions-là, c'est tout. Non, mais c'est tout. Moi, je sais. Ça deviendrait un problème commun. Question que moi, je n'ai aucune idée si c'est la même chose en français, même si le droit espagnol, c'est un peu une copie littérale d'Italie, Allemagne, France. C'est un très peu innové, mais dans ce cas-là, si c'était en Espagne, ça s'est arrivé à Barcelone, parce que en plus la mairie à Barcelone maintenant, la, politiquement, comme Mauro l'a dit et tout, c'est non. La question, c'est que même la Constitution dit que pas une seule personne, même si c'est un propriétaire horrible, pas une seule personne doit supporter. Supporter les défauts sociaux et légaux sur son épaule. C'est impossible. Et que si ça arrive, c'est l'administration publique qui doit payer pour ça. Alors, la solution, ça a été, il n'y avait pas de déclaration de mauvais propriétaire. Mauvais, je me comprends. Je ne me rappelle pas les mots que tu as utilisés. Mais ils ont acheté les bâtiments. L'administration publique est fait en convention avec la communauté. Parce que la Constitution même dit qu'une personne toute seule ne doit pas supporter le problème du système. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, de hacker la convention, c'était par le fait en fait de monter une structure associative pour le gérer, ou c'est que la convention ait été falsifiée ? J'ai pas compris. J'ai pas cette précision. Oui, donc, si oui, c'est un cas différent, bien sûr. À l'asilo, on a reconnu des règles et une communauté informelle. Pendant que dans ce cas, à Reggio Emilia, ce qu'on a fait, c'est on a fait les occupants, finalement, ils ont fait une association. Ce n'est pas vraiment une association, en italien, c'est un comitato di scopo, un comité pour un bout. Je dis une association pour simplicité, après on peut demander à l'IMA. Mais on a fait une association, ils ont fait une association, qui a demandé une convention avec la ville. La convention, c'est un outil très normal dans le droit administratif pour donner un bâtiment à une association. Mais dans ce cas-là, on a fait une convention différente parce que la convention n'était pas pour un usage exclusif. C'était pour un usage non exclusif et c'était donné à une association qui, pour statut, prenait ses décisions avec les assemblées publiques. Donc, on a utilisé un instrument très normal, mais on l'a changé. On y a mis des différences. Donc, on l'a rapproché au modèle de l'usage civique urbain qu'on a essayé d'utiliser en après. Mais, oui, quant à Saint-Just. oui, comme Rachel le disait aussi à Naples, comme à Naples, la ville n'a pas l'argent pour acheter un bâtiment. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'était de... je ne sais pas les termes en français, mais ce n'est pas un achat, c'est un échange entre un bâtiment qui était de propriété publique et le bâtiment privé. Donc, ce bâtiment avait été occupé par un groupe informel qui faisait des activités avec le quartier très intéressant, d'une valeur culturelle très importante. Et la ville l'a reconnu, mais le bâtiment, ce n'était pas à la ville, c'était à une entité juridique privée. Et donc, la ville ne pouvait pas acheter le bâtiment, mais a contracté, a négocié avec cette entité privée de lui donner un bâtiment public en échange de ces bâtiments-là qui avaient été occupés. Et là, on a pu après faire des conventions. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est le bout, votre bout final. Quelle est la situation que vous voulez obtenir? Nous, en ce moment, on cherche à sortir, on pense à une propriété collective de ce lieu. Sauf que qui dit propriété collective dit limite à la propriété, et on aimerait penser une propriété qui ne soit pas limitée, qui soit vraiment ce que tu dis tout à l'heure dans la question du commun. Et donc pour l'instant, l'idée, ce serait d'acheter en commun ce bâtiment, parce que c'est la seule solution qu'on a par rapport à l'église. Et en fait, la question de l'achat par la ville, de ce bâtiment, n'est pas du tout envisageable dans le contexte. En Allemagne, on a un outil pour ça, pour l'achat collectif, qui a été mis en place par le Mithauser Syndicat. Qui est utilisé ici à Marseille par l'association. C'est le même outil que l'usage. Donc c'est pour ça qu'il faut changer de soutien juridique, parce que nous sommes tous pareils. Et donc oui, on achète la propriété, sauf qu'il est très difficile à la vendre, presque impossible. Et donc ça assure en fait une gouvernance collective, même si la propriété est privée. Est-ce que ça correspond pratiquement, sur le plan juridique, à un achat avec à l'achat, à un démembrement de propriété à l'achat? Si j'ai compris comment fonctionne le système allemand, c'est-à-dire que c'est un collectif qui achète, qui a la nue propriété, et ce sont les différents groupes, entités, collectifs, associations qui sont à l'intérieur, qui ont le droit d'usage à l'intérieur. Et ce dont les associations, les groupes, les humains, les entités, les institutions, les groupes qui sont à l'intérieur, ce qu'ils détiennent, c'est le droit d'usage. Et la nue propriété est détenue de façon en indivise par le groupe. Ce qui fait qu'aucune personne du groupe ne peut vendre des parts de nue propriété, puisque c'est une indivise. C'est comme ça. Hein. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris lors d'une présentation. Et en faisant ce. Donc en France, le système. Ce que j'en ai retiré, c'est qu'on pourrait le jouer par cette forme de démembrement au moment de l'acte notarial. C'est ça. Et c'est une indivision qui est acquéreur de cette nue propriété. Avec l'impossibilité de revendre des parts de nue propriété. C'est là tout le truc. On ne peut que recéder des parts, en quelque sorte, à l'identique. À quelqu'un qui reçoit. Dans le contrat de cession, dans les statuts de l'entité qui est propriétaire, ça c'est Parpin Boulang, qui est propriétaire, ne peut céder tout ou partie du bien que à une association qui a les mêmes statuts. Exactement les mêmes statuts. Bien sûr. Tout à fait. Et en même temps, il protège les usages à l'intérieur de. Protégé par un mec de tarif. Scellé quelque chose. Peut-être aussi ce qu'on peut rajouter par rapport à l'expérience de Naples, c'est dans le droit administratif, dans le droit public, c'est qu'il y a un juriste qui a travaillé sur la traduction des pactes de collaboration en droit administratif français, qui s'appelle Olivier Jaspard, et qui est lui-même juriste dans une collectivité et qui commence son travail là. Qui en voit bien les limites aussi, dans le sens où lui, il est juriste de droit administratif, donc il voit ça vraiment comme la prolongation de la délégation de services publics, en fait. Donc c'est une dimension beaucoup plus administrative classique de délégation, même si elle va plus loin que ce qu'on fait jusqu'à présent en France. Et ce qu'on voudrait travailler avec d'autres collectifs, c'est toute cette dimension de reconnaissance des droits culturels et de l'utilité sociale qui n'est pas encore présente dans ce texte-là, qui s'appuie plutôt sur la nécessité de prendre soin de nos familles. C'est quand même, il y a des juristes qui sont en action là-dessus et qui sont aussi en appétence de situation pour Bien sûr, nous avons fait beaucoup de débats avec l'organisation qui a créé ces modèles de pacte de collaboration. Mais oui, comme tu aussi le disais, le problème c'est que beaucoup de fois et très souvent, ils sont pas propres pour des réalités qui sont vraiment sociales, qui sont vraiment informels et par le bas, parce qu'ils demandent beaucoup de ressources de la partie des associations ou des citoyens actifs. Et c'est parce que, en premier lieu, c'est normalement la ville qui décide quel bâtiment, quel endroit doit devenir un bien commun. Donc ce n'est pas une question par le bas, ce n'est pas une occupation, mais c'est la ville. Et normalement, c'est pour un besoin de régénération urbaine. Donc la ville décide qu'elle doit régénérer un bien. Et donc, elle fait un pacte avec une association ou des citoyens. Donc, et après, le pacte se termine et l'association s'en va. Et la ville a régénéré la place. Peut-être qu'elle la vend aussi au privé. Donc, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est que, oui, comme je disais, à Naples, la ville a soutenu l'expérience, a soutenu la réalité informelle, en fait, en donnant de l'argent pour, en payant l'eau, l'électricité, etc. Ça n'arrive pas du tout dans les modèles de pacte. Ça peut arriver, il est admis, il est permis, mais ça n'arrive pas normalement. Donc c'est vraiment un outil très semblable aux conventions et il faut avoir un privé très fort pour pouvoir faire un pacte. Et c'est pour ça qu'on a inventé un outil différent. On a aussi fait beaucoup de réunions d'assemblées avec d'autres réalités en Italie qui ont essayé d'utiliser cet outil parce que c'est un outil facile à utiliser parce qu'il y a beaucoup de communes, beaucoup de villes qui ont adopté cet outil. Mais finalement, oui, on a rencontré ces problèmes-là. Donc, c'est bon, mais c'est insuffisant dans plusieurs cas. On a aussi écrit un document. Comme réseau national des biens communs émergents, on les appelle comme ça. Mais c'est en italien. Donc, c'est parti. On peut se débrouiller pour traduire, je pense, si ça vous intéresse. Oui, je peux le faire traduire. C'est sur la page Facebook du réseau qui s'appelle Rete nazionale dei beni comuni emergenti e uso civico, c'est-à-dire réseau national des biens communs émergents et à usage civique. Mais je peux le partager. Et l'objectif de ce réseau, c'est de renforcer. L'objectif du réseau, c'est de mettre en commun des outils juridiques, mais aussi économiques, d'autogestion. Aussi pour la dépatriarcalisation de la bombe. Voilà, il y a beaucoup de vous. Mais d'un point de vue juridique, oui, l'idée c'est de bâtir ensemble des propositions juridiques qu'on peut faire au niveau national et au niveau local. Donc, dans les cas des parcs, par exemple, oui, en Italie, il y a cette association Lapsus qui a fait ce prototype de réglementation sur les pactes. Et ce qu'on fait avec ces réseaux, c'est aussi de chercher à imaginer des amendements qu'on peut faire à ces réglementations quand on les propose dans les villes. Donc on imagine, on travaille ensemble sur des amendements qu'on peut faire pour introduire l'outil qu'on a utilisé à Naples, l'outil de l'usage civique. Mais aussi pour proposer des principes au niveau national, parce qu'il y a un débat aussi en Italie sur la possibilité de faire une loi au niveau national sur les biens communs. on a fait des propositions, nous on ne les partage pas du tout, mais on a fait des propositions d'intégration. Donc c'est sur ça que, de point de vue juridique, travaille le réseau. Mais comme je le disais, il y a beaucoup aussi de situations différentes et partage de styles. Est-ce que l'on peut imaginer, dans le cadre de bien commun, de commun, à ce que des lieux ou de l'espace qui va être utilisé pour des activités soit. Parce que là, ça va faire penser terriblement ce que tu as dit à une expérience qui est à Marseille en ce moment, Coco Velten. Donc, Coco Velten. À la, ce qu'on appelle à la porte d'Aix, mais c'est pas du commun, c'est les pouvoirs publics qui ont décidé, il y a une association qui est très proche des pouvoirs publics au plan national, donc très macronienne, et qui est là pour 3 ans, pour bon, on occupe, on fait, voilà, c'est de la poudre de perlimpinpin qui est jetée. Voilà, ça c'est du saupoudrage et c'est des paillettes que l'on met. Par contre, est-ce que l'on peut imaginer ça sur des périodes longues et avec une utilité publique et sociale à long terme plutôt que sur des expériences de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voilà, et sur des expériences qui seraient longues. Oui, en soi même, l'outil qu'on a utilisé à Naples n'a pas de terme. Il n'y a pas de terme. Non. Voilà. Le bailleur, en l'occurrence, de Coubertin, c'est quand même la préfecture. Ben oui, c'est la préfecture. Et du coup, n'a aucun intérêt. En fait, c'est une mesure anti-squat, Coubertin. N'a aucun intérêt à laisser. Non, non, mais c'est. Mais en fait, oui, tu peux. C'est faire totalement macronien comme. Tu peux faire des bails d'occupation du temps de vie. Oui, tout à fait. Ce qui me semble, ouais, après c'est une question de logique et d'ambition, mais à rentrer dans ce processus, en fait, on pallierait au manque du service public et on viendrait en fait à suppléer au travail de l'État. Et ça, en fait, à mon avis, c'est un peu personnel, mais il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Voilà. Il faut créer peut-être une nouvelle structure. Mais avoir comme bailleur en fait une préfecture ou la PHP comme c'est le cas pour un voisin à Paris ou des choses comme ça. Oui. Puis en plus on va mettre des acteurs privés dedans, qui sont des gens qui travaillent dans le monde de la nuit et tout ça, et qui vont faire des boîtes de nuit et des peintes à 8 euros. Et il ne faut pas faire ça. Enfin, non mais justement, j'ai bien d'accord, c'est pour ça que je. Voilà. Et c'est tout le travail du court terme, c'est d'arriver, c'est que l'on favorise ce type d'occupation. Ce type d'action. Et je pense que le but, c'est d'arriver sur du long terme. Il faut que ce soit sur. Oui, mais en fait, dans nos cas, comme il n'y a pas une bail avec une personne juridique, et comme la gouvernance est ouverte, il n'y a pas de raison pour poser un terme. Tout à fait, il n'y a pas de terme. Et c'est toute l'intelligence. Tout le monde peut entrer dans la gouvernance, donc il n'y a pas besoin d'un terme. C'est pour ça que je trouve votre action, ce montage remarquable. Mm. Partage moins de politique de municipalité. Mais aussi, en fait, oui, nous aussi, on a refusé d'être une façon pour calmer les personnes, pour se mettre au service de l'État. Mais on a toujours essayé de revendiquer par la ville, par les institutions, les droits. Et donc, on a obtenu le soutien économique. Mais aussi, on a continué à revendiquer aussi des différentes formes plus structurelles de participation. Par exemple, à Naples, on a un observatoire des biens communs, qui est un organisme participatif. Donc, les personnes ont été nommées, ont été choisies parmi les communautés des biens communs. Et cet organisme a la possibilité de donner des avis sur les actes de la mairie et aussi de faire des propositions et de promouvoir des débats publics. Mais c'est pas. Oui, donc c'est les personnes, c'est une reconnaissance en fait des biens communs, des communautés de biens communs, parce qu'on a choisi comme un organisme institutionnel qui peut favoriser un débat, mais pas les débats publics à la française, mais un débat public qui sort par les communautés eux-mêmes. Par la commune. Oui. Oui. Une question. Quand tu as commencé la présentation, tu disais une grande concentration des financements vers quelques acteurs sur de Bourgogne. Est-ce que justement votre action, elle a permis de travailler des politiques qui soient pas des politiques de saupoudrage, qui soient moins concentratrices ou pas? Ça c'est une bonne question parce que finalement. Oui, bien sûr, on a le fait d'avoir un moyen de production partagé, c'est quand même une politique culturelle. Oui, c'est une façon de reconnaître un type de production culturelle et de la soutenir. Donc oui, ça c'est une idée qu'on a aussi portée en Europe. Mais si je devrais dire qu'elle a importé un changement structurel de politique culturelle à Naples, non. Parce qu'en France, on parle d'appel à commun. L'idée, c'est de remplacer les logiques d'appel à projet où tout le monde est en concurrence par des logiques d'appel à. Où en fait, il y a des conditions à remplir pour recevoir le financement, dont le fait de mutualiser un certain nombre de biens. Est-ce que ça existe essayer de demander au pouvoir public de favoriser les communs, de privilégier les communs dans les modalités de financement de... On a fait des expérimentations à Bologne, mais pas sur les financements, mais plutôt sur les espaces. Oui, donc on a fait cette expérimentation, mais finalement... Oui, c'était quand même insuffisant parce que ça favorisait d'un certain point de vue la coopération entre les associations, mais il laissait la possibilité quand même d'obtenir le lieu. La condition c'était que si on n'arrivait pas à avoir une coopération entre les différentes parties, donc l'administration pouvait quand même faire un contrat avec les règles de la compétition. Et donc ces exceptions-ci en fait fait en sorte que la prévision de la coopération c'était inutile parce qu'il y avait toujours l'alternative de confier d'une façon exclusive. Bien. Donc il y a eu des expérimentations, mais... Pause technique, 5 minutes, et après les gens vont remonter pour faire l'assemblée plus générale. Et en Espagne En Espagne, ça dépend aussi un peu de commune, mais à Barcelone, par exemple, on n'a pas trop bonne expérience avec ça, avec le Ok, Barcelone et Madrid en Espagne, on a une loi spéciale, la charte de la ville, qui c'est une loi spéciale pour autogérer. Alors, le socialiste aux années, au début final de 80, début de 90, ils ont introduit la gestion civique, on dit, de ces espaces publics. Ils l'appelaient gestion civica. C'est l'article 35 de la charte de Barcelone. Alors, ils se sont dit, OK, on peut donner des espaces pour la gestion du communautaire, pour les associations, pour les communautés et tout. Ils ont commencé à le faire. Mais la question, c'est que, alors, ils sont. C'est vrai que c'est, non, les contrôles sur la finance, sur le CED, la participation s'est augmentée, mais. Le reste de la régulation de juridique n'a pas changé. Alors, toutes ces associations et mouvements se sont trouvés à faire la gestion indirecte d'un service public avec les mêmes exigences que toutes les entreprises. Alors, ils ont l'obligation de devenir professionnels et de suivre tout et de donner tous les services que les entreprises donnaient avant et tous les services au même niveau, toutes les qualités, de respecter l'esthétique, de respecter tout. Alors ils sont devenus des gestionnaires culturels privatisés. Alors on trouve partout à Barcelone maintenant ça, tout, dois le... Oui, oui, c'est gestion civique. Alors tu vois que c'est un espace public. Il y a les professionnels qui gèrent. Il y a le citoyen qui utilise. Et tous les deux jours, quelque chose comme ça, l'initiative, eh bien, ils font ces réunions dans une salle, ils continuent à protéger ces, non, sa militance et tout, mais ils sont là. Et alors, c'est pas un comment, un projet comment. Alors maintenant, le problème, c'est que pour changer, les changements, c'est pas juridique. Les juristes ne font pas les changements, c'est les politiciens. Et même si on a un gouvernement qui s'appelle comment, mais il y a le 20% du vote. Et les socialistes, 15, ça fait 35. C'est impossible de passer aucun change à la ville, aucun. Ça va, si on ne réussit pas à avoir plus de 50%, il n'y a aucun changement qui va arriver. Et en plus, les autres, ils disent, ah, mais vous savez déjà la gestion civique, allez, qu'est-ce que vous voulez en plus? Alors, on est prisonnier de ça maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a un nouveau politique qui s'est créé pour donner un peu plus de sécurité à quelques projets qui sont un peu plus communautaires. Après qu'on a assez de gouvernement, on utilise des outils qui permettent de faire un peu plus commun. Un peu plus. Et c'est la politique que Mauro il parlait. Et on a travaillé là et tout. Et ça a ouvert un peu, et ça s'est corrigé un peu. Par exemple, maintenant, le contrat, c'est pas 4 ans, c'est 10 ans. C'est déjà, ça donne un peu une stabilité. Il y a plus de participation communautaire qu'avant pour la gouvernance. Des petits changements qui peuvent se faire sans passer pour les conseils du ville. Mais on ne va pas. On est pressionnant maintenant de ça, alors on ne va pas vraiment réussir à avoir un changement comme ça est arrivé à Napoli, parce que la situation politique et juridique, c'est un peu coincé. Et alors il faudrait vraiment un mouvement politique beaucoup plus puissant, avec plus de pouvoir dans les conseils, quelque chose comme ça. Et c'est le seul cas que je connais en Espagne. Après, il y a des mairies avec les gouvernements aussi des communes, à Galice, en Andalousie, tout, qui commencent à travailler des modèles comme ça. Et à Galice, il y a même une mairie qui a commencé à travailler, de faire un district commun, déclaré dans le conseil municipal, un district commun. Et le district, c'est pas placé dans un quartier. Le district, c'est dispersé. Et c'est la plage, les projets communs et tout. Ils sont déclarés ça un district commun que tout le monde peut utiliser librement. Alors, c'est très intéressant aussi. Mais il faut avoir le pouvoir dans le conseil municipal pour faire ces choses-là. C'est pas facile. Et à Barcelone, maintenant on a un questionnaire de ça qui était génial aux années 90. Et les associations, parfois, elles disent, est-ce que vous voulez gérer cet espace? Non, non, non, non, non, non. C'est plus facile de couper. Il faut couper parce que sinon on va être... En fait, j'ai eu l'impression quand je suis allée à Barcelone qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt parmi les mouvements sociaux à se confronter avec l'outil juridique, à renouveler l'outil juridique plutôt que de l'utiliser. Parce qu'il y avait de l'intérêt à l'utiliser, mais pas trop à le renouveler. Donc il y avait. C'était pas. Oui, peut-être des parties du mouvement, des mouvements sociaux, ils voulaient confronter avec les outils juridiques, mais pas tout le monde. Oui, ça c'est une question maintenant, si, pour suivre ça que tu as dit. Si on va maintenant finir et tout, et avec Alima, on s'est demandé, on a pris des notes et tout, si vous nous envoyez, si vous pouvez nous raconter plus de problèmes juridiques ou plus spécifiques que vous savez pour travailler aussi tous les juristes, et bon, c'est Maria Francesca, tous, et comme ça on a plus et plus d'exemples et tout. Mais je veux ajouter aussi toujours que les juristes, on veut très bien travailler toutes les choses, mais on a besoin de, comme je dis au début, de le matériel. Et on a besoin de la communauté aussi, parce que quelqu'un, ils sont venus à Barcelone, dit, qu'est-ce que vous faites les juristes? Rien passe ici. Je dis, moi je ne suis pas une communauté, je suis une technicienne. Alors, s'il y a une communauté qui vient, elle me dit, moi je veux faire ça. Alors moi je fais, ok, je fais mon travail. Alors il faut que la communauté vienne aux juristes et dit, nous, on veut faire ça. Comme ça, on a les matériels et comme ça, on peut aider. Parce... Et comme ça, on va chercher qui va passer cette modification au conseil municipal et ensemble. On va essayer, mais sans ces mouvements, il n'y a rien qu'on peut faire. Rien. Sans ces mouvements. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si on pourra y répondre, mais donc c'est un problème juridique, mais. La question, c'est est-ce qu'on arrive à définir ce que c'est qu'un commun, déjà, pour pouvoir légiférer. Si on arrive à définir ce que c'est qu'un commun, je pense que c'est peut-être un peu le nerf du problème, parce que le premier commun, pour moi, qui me vient à l'esprit, le bien commun, le premier, c'est la nature. Et on a tous des responsabilités, et peut-être que les États, moins occidentaux ou autres, s'ils définissent le bien commun et qui légifèrent comme quoi il faut le protéger, ça enclenche beaucoup de choses, quoi. Et si on arrive à définir ce que c'est qu'un bien commun, déjà, est-ce qu'on n'avancerait pas un petit peu? Ou est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Parce qu'à ce rythme-là, parce qu'il y a toujours souvent des problèmes quand on discute de comment on comprend les choses, comment on les interprète. Et je ne sais pas si quelqu'un sait, oui, comment ça, est-ce qu'on peut le... Ça, c'est notre travail juridique, oui. Aussi, mais c'est plus structurel. C'est une reconnaissance, non? Mais est-ce que c'est un travail qui a eu ce débat en Italie? Parce qu'il y a eu cette proposition de loi qui allait déclarer bien commun ce qui est nécessaire pour les droits fondamentaux. Mais nous, avec des autres biens communs, on a proposé d'ajouter des autres choses. C'est-à-dire qu'un bien commun, un bien peut devenir commun. On les appelait bien communs émergents. Un bien peut devenir commun quand la communauté elle décide de se réapproprier de ce bien et de l'aménager d'une façon ouverte et de le mettre à disposition de la communauté. Mais si on je veux dire peut-être que le travail, peut-être en parallèle, le travail à faire, c'est d'essayer, au moins au niveau associatif, des collectifs, d'essayer de le définir pour qu'il soit vraiment, comment dire, pour qu'il ne soit pas laissé libre comme ça à l'interprétation de tout ce qui pourrait rester flou, et comme ça on n'agit pas, quoi. Ça fait un peu comme des buzzwords qui, voilà, c'est très bien, on va dire des buzzwords de résilience, etc. C'est très bien, comme ça on le dit, mais on n'agit pas. Voilà, on rend un système résilient, tout le monde s'en saisit, personne n'a la même définition, et ça fait un bazar monstre, quoi. Non, mais et peut-être que c'est un travail à faire. Déjà, ce serait une grande victoire de pouvoir au moins définir et d'imposer cette définition du commun. Et comme ça, on est sûr au moins de savoir ce que c'est et de le défendre plus facilement. Je ne sais pas, peut-être... Je rejoins un peu, parce qu'on a le sentiment qu'en fonction des pays, déjà aussi des réglementations nationales de différents pays européens, c'est que l'on a une vision, et de nos cultures, on a une vision du commun et une définition du commun qui est légèrement différente. Et donc il est difficile d'y adjoindre un cadre juridique. Oui. Voilà. Parce que est-ce que le commun peut avoir la... C'est peut-être là le flou juridique. Ça se limite aussi à nous, aux organisations, aux associations, aux organismes qui occupent et qui mènent des actions à l'intérieur. Ça peut être, j'ai très bien aimé ce que tu as dit, comment tu les as définis. Des productions, des actions. Et de la production avec des moyens de production. Donc ces moyens de production, c'est aussi des outils. On pourrait très bien imaginer aussi des communs qui sont des formes d'entreprises autogérées, qui peuvent être une coopérative, qui peut être comme en Grèce avec Viom, une entreprise complètement autogérée qui a été reprise puisque les pouvoirs publics voulaient la vendre, les salariés ont repris l'usine et aujourd'hui elle fonctionne, elle tourne totalement autogérée. on est bien sur de l'usine, sur de la production. Surtout face aux défis qu'on a, il y a des crises qui s'annoncent qui ne vont pas être faciles à dépasser. Peut-être que le fait de déjà d'essayer de partir sur une base de définition du commun et de le faire, bien sûr c'est évolutif et c'est perceptible en fonction de sa culture, mais peut-être aussi lui donner cette puissance de dire là il est nécessaire de rendre ce bien-là commun parce qu'il y a un intérêt commun, il y a quelque chose... Je ne sais pas, mais moi c'était. Je ne sais pas si ça existe ou pas d'ailleurs. Puisque vous êtes déjà dans ce lieu, est-ce que le fait que ce soit souple, c'est aussi c'est une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que cette souplesse dans la définition du commun n'est pas aussi une façon de pouvoir, à certains moments, agir? C'est ce que je disais. En fait, une loi qui définit des biens communs peut aussi être dangereuse. Oui. Donc il faut la bâtir d'une façon qu'elle reste ouverte. Parce que c'est la communauté finalement qui revendique quelque chose comme un commun. Donc chaque définition qu'on donne d'un commun ne doit pas être une liste fermée. Oui. Mais plutôt peut-être doit établir des méthodes, des procédures avec lesquelles la communauté peut revendiquer un bien comme commun. Et, je dis et ça c'est justement pour ça qu'on s'est opposé à certaines propositions de loi. Et donc à une entité, est-ce que le cadre d'unification de documents, hein, de liaison, est-ce que ça ne serait pas votre gestion? Oui, la gestion, nous on l'appelle la gestion directe. Ou une gestion directe, voilà. La gestion directe de service. Oui, bien, mais non, non, qui fait pas l'administration, mais la communauté. Ah, ok. Mais je parle bien sûr d'un bien commun, parce que dans le service, ce serait un peu plus compliqué. Oui, oui. Sur le plan juridique, on peut le mettre différemment. Quelque forme de structure. Ça peut être associatif, ça peut être coopératif, une coopérative, ça peut être. Ou des caractéristiques, peut-être pas une définition, mais des caractéristiques. Le problème, c'est que ça va rejoindre du coup ce qu'elle disait, parce que je pense que c'est toujours l'idée de si on rajoute une structure sur quelque chose d'autogéré, on n'est plus dans une autogestion. Je disais que si on rajoute une structure sur une forme d'autogestion, ça devient, c'est plus de l'autogestion, c'est structuré. C'est peut-être ça aussi qui est compliqué. Alors, il faut s'entendre sur les mots. Une scope, c'est une. Mais c'est autogéré. Oui. Il peut y avoir une forme et même avancer l'autogestion à l'intérieur. Mais ça ne suffit pas, l'autogestion, bien sûr, tu dois après comprendre quels sont les principes de cette autogestion. L'autogestion, c'est que le début. Parce qu'après, il faut dire que ça doit être ouvert. Mais comment on l'ouvre? Normalement, il ne suffit pas de dire que c'est ouvert pour l'ouvrir vraiment. Parce qu'il faut le communiquer, il faut dire c'est quand l'assemblée. Elle se termine quand? Parce que l'histoire de la politique, elle est pleine d'assemblées. On fait l'assemblée pendant 5 heures et après on décide à la fin quand tout le monde est allé. Et je vous ai bien eu. Vous-même, vous avez découvert. Oui, donc.